Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 65e Vampa Flix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Et oui, salut, et oui, c'est Spike, et vous êtes bien dans la Vampire Flix numéro 65. Merci pour tous vos messages et dédicaces, merci pour le partage des playlists, merci de me suggérer des morceaux, c'est cool, vous êtes vraiment trop cool avec moi. Alors, cette semaine, au programme, du nouveau, du lourd, du français, du... Enfin bref, on commencera avec People of the Light, de Creator, c'est sur Come of Soul, leur cinquième album, sorti le 6 novembre 90. On retrouve When the Suns Burn Red, World Beyond et The Hidden Dictator, entre autres. On écoutera ensuite Stockholm Syndrome de Blink-182. C'est sur l'album Blink-182, sorti le 18 novembre 2003. On retrouve Feeling Is, Obvious et Easy Target notamment. Un album fort sympathique à la réécoute. On continuera avec une nouveauté, Just Let Go, le nouveau Killswitch Engage. C'est sur l'album Incarnate, sorti le 11 mars 2016. On retrouve Alone I Stand, Until the Days et The Great Daysight. Un excellent album. Allez, un petit coup de métal français. L'énigme sacrée d'ADX, c'est sur l'album Non Serviam, sorti le 10 juin 2016. On retrouve La Mort en Face, Les Oubliés et Théâtre de Sang, un excellent, excellent album. Et on finira en live avec Keep Him Away des Slakers. C'est du Live at Ernesto, j'ai du mal à le dire à chaque fois. Live at Ernesto, sorti le 9 mai 2000. On retrouve Sooner or Later, Married Girl et I Still Love You. Un album tellement bon qu'aujourd'hui, il est super dur à trouver. You buried in the mud, and when you die, Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. That's for the fucking police. And this one's for the fucking skinheads. Everything's alright. Whoa, oh, it's me. Whoa. Vous êtes toujours dans la 65e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. People of the Light de Creator, Stockholm Syndrome de Black Blink 182, Just Let Go de Killswitch Engage, L'Union Sacrée d'ADX et on a fini en live avec Keeping Me Away des Slakers. On continuera avec Sweet Thing de Mick Jagger, c'est sur l'album Wandering Spirit, son troisième album solo sorti le 8 février 1993. On retrouve Out of Focus, Put Me in the Trash, Mother of a Man et plein d'autres excellents titres. Cet album a bercé mon adolescence et je trouve qu'il vieillit super bien. On continuera avec une nouveauté, One Finger Salute, c'est le nouveau Suicidal Tendencies. C'est sur l'album World Gone Mad, sorti le 30 septembre 2016. On retrouve The New Degeneration, Living for Life et Damage Control, un album plutôt très bon. On continuera ensuite avec Blueberry de Lita Ford, c'est sur l'album Lita, son troisième album sorti en 1988. On retrouve Back to the Cave, donc Can't Catch Me et Under the Gun notamment. On poursuivra avec une autre nouveauté, Paris la nuit, le nouveau d'Anakil, c'est sur la rue Raisonne, sorti le 7 octobre 2016. On retrouve 32 mars, Mediatox et J'attends le jour. Il est plutôt pas mal, mais j'espère que le prochain sera meilleur. Et on finira ce bloc en live avec Metal Heart de Accept, c'était aussi le titre de l'album sorti le 4 mai 1985. On retrouve Midnight Mover, Up to the Limit et Teach Us to Survive. J'adore cet album. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Paris la nuit raconte son histoire, elle fascine le kidam qui en use les trottoirs, c'est leur de ses insomnies que ses secrets se dévoilent quand la lune teinte le tout d'une douce lumière pâle. Je suis né dans tes bras, j'ai dormi dans tes draps, c'est pourquoi j'ai le goût de parler de toi. J'ai des souvenirs à tous les âges, des millions de phases et des milliards de visages. Tu cristallises tout, les joies comme les peines, canalise les courants, attire les extrêmes. Il y a de la vie jusque dans tes sous-sols et cette énergie folle. Comment te le dire, Paris m'aspire et depuis des siècles ces ruelles inspirent les peintres et les poètes. Well, and j'aime quand la ville se met en scène et qu'elle donne tout comme le Piaf. Laisse-moi chanter pour elle. Panam, panam, panam, belle femme au regard de velours. Panam, panam, panam, je t'ai aimé. Je te hais, the red castle, I feel like a prince. Chasing sweet taboos and assists. Chinese and Nigerian ladies fighting over Turk. Harsh exchange of words, but in the end, nobody wins. Nobody wins. Your sacred heart sees everything. Way up there, I dream like a king. No, we're not nice, we keep it real. Deal with it, feel how you feel. Not punctual, but always on time. Don't talk to me the wrong way. It's functional, if it's beautiful, don't care what nobody wants to say. After a long night, when the lights come on and your makeup has run down, by your side, cause you're beautiful in red and in sunlight. See, after a long night, when the lights come on and your makeup has run down, I'll be by your side, cause you're beautiful in red and in sunlight. Panam, panam, panam. Je t'ai aimé. Vous êtes toujours dans la 65e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire Swing Thing de Mick Jagger, One Finger Salute, le nouveau Suicidal Tendencies, Blueberry de Lita Ford, le nouveau Dana Kill, Paris la nuit, et on a fini en live avec le grand classique de Accept, Metal Art. On continuera avec Right Right Now Now des Beastie Boys, c'est sur l'album 2 de Five Borough, leur 6e album sorti le 14 juin 2004. On retrouve Check Check Check It Out de Hardway et Hey Fuck You entre autres, un excellent album, moi je trouve qu'il vieillit bien. On continuera avec Walk Like Me de Blondie, c'est sur l'album Auto American, son 5e album sorti le 29 novembre 1980. On retrouve Live It Up, Do The Dark et Faces entre autres. On continuera avec un grand classique du reggae, Wicked Act de Black Uhuru, c'est sur Child Out sorti en décembre 1982. On retrouve Darkness, Moya Queen of the Jungle et Emotional Slaughter notamment. On continuera avec une nouveauté, Cannibal, le nouveau Arnaud Futur, c'est sur l'album Cannibal, Tout ce qui vous dévore, sorti le 21 octobre 2016. On retrouve Big Brother, Samedi Soir et l'excellent Serial Killer, un album fabuleux. Je mettrai les liens sur la page Facebook de l'émission pour se le procurer cet album et je diffuserai bien évidemment d'autres morceaux. Et on finira ce bloc en live avec Lucrecia de Megadeth. C'est sur l'album Rust in Peace, sorti le 24 septembre 1990. On retrouve Hangar 18, Techno Prisoner et Tornado of Soul, un classique du genre. Right now, what is going on? Africa. Oh. Europeans stay in Europe. African rule Africa. And the whole world dreadlocks. Oh. Oh, what a wicked act. They're trying to break my back. Avec Carter. Vous êtes toujours dans la 65e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Right Now des Beastie Boys, Walk Like Me de Blondie, Wicked Act des Black Uhuru, le nouveau Arnaud Futur Cannibal et on a fini en live avec Lucrecia de Megadeth. On continuera cette émission avec Serre les Poings en vinyle de Trust, c'est sur l'album Rock'n'Roll, leur cinquième album sorti en 1984. On retrouve Chacun sa haine, Rock'n'Roll Star et Paris. Ils se sont reformés et sont en tournée dans toute la France et ils affichent partout complet. On continuera avec une exclusivité, mais c'est vraiment une exclusivité. C'est Vengeance de Kraken. C'est la première démo d'un futur album qui doit sortir l'an prochain. Allez sur la page Facebook de Kraken et de Will PMR. Il a créé un bandcamp. Allez y faire un tour et surtout faites tourner. On continuera avec Sometimes the Insight. C'est sur l'album Hidden Things sorti en 2015. On retrouve Lost in Heaven, Spinning Sun et Wish I Was, entre autres, un excellent album. Ils viennent de boucler leur crowdfunding pour leur prochain album The Other Side. Ils ont réussi. Ils sortiront 300 exemplaires. Merci à tous ceux qui ont partagé et qui ont participé. Et fier d'avoir partagé cette réussite. Alors, si vous êtes un groupe que vous voulez sortir un album, que vous faites du crowdfunding, n'hésitez pas, postez sur la page Vampire Freaks, l'émission radio, la page Facebook évidemment. N'hésitez pas. On continuera avec un classique de la dub, Quel est bleu de Massilia Sound System, c'est sur l'album Turmo sorti en 1993. On retrouve Aki, Dissem Fassem et Bus de nuit et le son des ragas. Il vieillit bien aussi cet excellent album. Et puisqu'on sera dans le sud, on ira faire un tour à Montpellier avec les Shérifs et Trop de Tentations en live, c'est sur Bang, qui est sorti en 2014, qui a été enregistré au Bataclan. On retrouve IDFX, c'est l'adopté, qui est passé à qui, enfin tous les classiques des Shérifs en live. Et ils sont toujours en tournée, les gars. Ils sont même en tournée avec les Crétins des Alpes. Bah ouais, je vous jure. Serre les poings, la tête contre les murs, pour cacher tes chiffres. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back.

comme tes yeux. En moi ça me rend heureux. Elle est pleine de pêcheurs, elle est pleine de pêcheurs. Il y a les professionnels, il y a les amateurs, les pros. Pour la pêche est un tour laveur, mais pour nous autres les pescadous, la pêche est un vrai bonheur. Si tu te couches tard, tu peux prendre du sable. Et si tu te lèves tôt, tu peux attraper du pajot. Mais très patient, il faudra être patient. Précis, organisé et toujours être en mouvement. Avoir la meilleure technique et l'employer au bon moment. Trouver ta position en tenant compte du courant. Quant aux chasseurs sous-marins qui ne craignent que les murennes, il reste cool et serein, il attend que sa proie vienne. Hey, à la cachon il est, à la cachon respiration, à la cachon il est, à la cachon fusil à fond, à la cachon il est, à la cachon des gros poissons. Il porte beaucoup de plomb, possède de gros poumons. Il se prend pour le héros d'un film de Luc Besson. Les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bons, mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi ça me rend heureux. Pleine de jolis coins, elle est pleine de jolis coins. L'hiver on s'y promène, l'été on y prend le bain. Tous les gens des quartiers de toutes les communautés. Sur un bout de rocher ou sur le sable surchauffé. Sans façon, sans manière et sans arrière-pensée. Bien ensemble profiter du soleil et c'est bien fait. Quand je veux être cool, moi je m'en vais au Frioul. Si je veux voir plein de gens, moi je m'en vais au Catalan. Si le temps se fait mauvais, je vais à l'abricotier. Et si je vais au bout du monde, je m'arrête à Calelong. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi ça me rend heureux, je dis papa, papa, papa, pas de marina. Ici c'est pas la Riviera ni la Costa Brava. M'écoute papa, papa, papa, pas de marina. Oh monsieur Vigourou, il ne faut pas s'accacher ça. Papa, papa, papa, pas de marina. Ici c'est pas la Riviera ni la Costa Brava. Raga, oui, papa, papa, papa, pas de marina. Oh oui, ragamuffin, il faudra protéger tout ça. Papa, papa, papa, pas de marina. Ici c'est pas la Riviera ni la Costa Brava. Écoute ça, papa, papa, papa, pas de marina. Oh monsieur Vigourou, il ne faut pas bétonner ça. Hey, papa, papa, papa, pas de marina. Ici c'est pas la Riviera ni la Costa Brava. Raga, oui, papa, papa, papa. C'est trop, trop de tentations. C'est trop. Vous êtes toujours dans la 65e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Serre les poings en vinyle de Trust, Vengeance, une exclue et nouveauté de Kraken, Sometimes de The Insight, Quelle est bleue, mais quelle est belle, mais quelle est bleue de Massilia Sound System, et on a fini en live avec trop de tentations des shérifs. On continuera cette émission avec Driving in My Car de Madness, c'est sur l'album It's Madness, sorti en septembre 1990. On retrouve House of Fun, Don't Look Back et Baggy Trousers, le petit coup de ska qui vous fait du bien par où que ça passe. On continuera avec une nouveauté, Le Danger de l'Ordre d'Héloïse, c'est sur Après le Chaos, sorti en 2015. Ne restez pas en paix, Héloïse, Contaminé, enfin que des bons albums. Allez faire un tour sur le Bandcamp de l'Ordre d'Héloïse, ils sortent des nouveaux sons régulièrement. En ce moment ils s'amusent, ils font d'excellents covers des Cure. Allez faire un tour sur la page Facebook, c'est magique. Salut à eux et aussi à Alain au passage. On continuera avec une nouveauté, Aquarium de Jérémy Capone, c'est aussi le titre de cette EP City sorti le 3 juin 2016. J'ai découvert ça cet été, mais j'ai pu l'obtenir dernièrement. On retrouve Au bout du fil, à ce moment même, et En vogue notamment. Il prépare un album pour 2017. Je le souhaite aussi bon que ce magnifique EP. On l'a vu dans LOL, et c'est lui qui a coécrit la bande originale avec son copain Spinoza, Capone, c'est Spinoza, Exil. Voilà. Et on continuera avec European Cowboy de Arnaud, c'est sur l'album À poil commercial, sorti en 1999. On retrouve Dans mon lit, Fantastique, J'ai un problème, J'adore le personnage. Et on finira ce bloc en live avec Rock Till Death de Doro, c'est sur l'album Raise Your Fist, son 12e album, sorti le 19 octobre 2012. On retrouve Raise Your Fist in the Air, Techno Prisoner et Strong and Proud. Elle a sorti un album dernièrement, des nouvelles dans des prochaines Vampire Freaks. satisfied I've got this far. Je me suis vu virer Dark, en plongée sous-marine. Je me suis pris pour le monarque, l'instant d'un interligne. Soudain les deux mains moites et l'effet du vertige. Mes mots venaient en flash, mais l'encre était débile. Bulles d'oxygène, la pression des abysses, matino anxiogène, maniaco des récifs, puisque les artifices ne sont que artefacts. To be or not to be, to bow or not to bow. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. let's throw away. Let's face it, I'm just a puppet. I got a hole in my soul. I'm alive as you be in cardboard. I got a hole in my soul. I'm alive as you be in cardboard. I'm so real, I'm super real. I'm not so real that I'm not so real anymore.